force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Toi qui pleures toujours, tu dis, ton âge est avancé, tu n'as pas réalisé de grandes choses dans ta vie. J'aimerais te dire, tant que tu as la foi, tu peux rattraper tout ce que tu as perdu. Dieu te dit, je te remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Tout ce que le diable t'a volé, tu peux réclamer la restitution. Ne sois pas abattu et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes en prière dans le cadre de l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour se juge 8, 1 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Juges 8, 1 à 21. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une querelle, une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Les grappillards d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite des Zébach et des Tsalmouna, rois de Madian. » Les chefs de Succoth répondirent, « La main des Zébach et des Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Tsalmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Penuel et il fit aux gens de Penuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Succoth. Et il dit, aussi aux gens de Peniel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébach et Tsalmouna étaient à Carcor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient de Nobach et de Jogbeha. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébach et Tsalmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara de deux rois de Madian, Zébach et Tsalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Succoth un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Succoth, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Succoth et dit, « Voici Zébach et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, « La main de Zébach et de Tsalmouna est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ?» Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Succoth avec les épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Penuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et à Tsalmouna, « Comment étaient des hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Et il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissé vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jeter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zebach et Salmuna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zebach et Salmuna. Il prit ensuite le croissant qui était au cou de leur chameau. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Les querelles peuvent exister au milieu même des frères, d'une même famille, dans nos communautés. Mais nous devons savoir comment régler ou apaiser ces colères-là, ou apaiser les querelles. Nous devons savoir gérer la situation. C'est ce que nous voyons ici. Nous voyons après la victoire de Gédéon sur Madian, il s'éleva une violente querelle entre lui et les hommes de la tribu d'Éphraïm. Parce qu'au départ, Gédéon ne les a pas associés pour aller à la guerre. Ce n'est qu'après que même ils sont intervenus. Alors, le verset 1 dit ceci. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Donc, les problèmes peuvent exister. Je veux parler à un couple dont la femme est abattue. Tu te dis, pourquoi vraiment il y a la querelle? Vous venez peut-être de vous marier, vous n'avez même pas encore 2 ans. Et puis, vous venez d'avoir une querelle. Au point où vous êtes découragé. Ma sœur, ne sois pas découragé. Ça peut arriver dans un foyer qui est querelle. Mais il faut savoir gérer les querelles. Et celui qui a plus la responsabilité d'apaiser la situation, c'est le leader. C'est ça l'exemple que nous voyons ici. C'est la manière de parler qui apaise la colère. C'est la réponse de Gédéon qui a apaisé la situation. Le verset 2 dit, Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Les grappillages d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que les vendages d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il lui parlait ainsi, leur colère s'apaisa. Vous voyez? Un leader doit savoir comment parler aux gens. Lorsque tu es leader, écoute-moi bien, tu ne dois pas être là pour insulter les gens, pour humilier les autres, même si Dieu t'a élevé. Lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, je vais parler à un monsieur, c'est à toi de savoir comment parler à ta femme pour apaiser la situation. Il ne faut pas que tu envenimes la situation. Lorsque Gédéon a parlé, il a montré la valeur des enfants d'Éphraïm. Parce que c'est en réalité eux qui avaient gagné la bataille. Alors, il leur montre leur valeur. Et lorsque ils ont entendu cela, ils étaient apaisés. Deuxième vérité. Le leader doit être sensible aux besoins de ceux qui sont avec lui. Lorsque Gédéon continuait toujours la poursuite de ses ennemis, parce qu'il poursuivait les deux rois, Zeb et Salmuna, les gens qui étaient avec lui, ces combattants, étaient fatigués. Vous voyez, le verset 4 dit, Gédéon arriva au Jourdain. Il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Et c'est lui qui prend l'initiative. Il a constaté que ces gens sont fatigués. Alors, c'est pourquoi il va demander quelques pains aux habitants de Soukot et même les habitants de Penuel, bien que ces derniers n'ont pas répondit favorablement à sa requête. Mais ce que nous voyons ici, c'est cette sensibilité au leader. Il constate que les gens qui sont avec lui sont fatigués. Ils ont des besoins. Et nous voyons cela même dans les modèles de Jésus-Christ. Quand il était avec le peuple, la Bible dit qu'il avait nourri avec la parole le peuple, une foule, mais il a remarqué qu'ils étaient fatigués. Ils avaient besoin de manger. C'est ce qu'on appelle la vision holistique, s'occuper de tout l'homme. S'occuper du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous avons besoin de tels leaders qui sont sensibles aux besoins des autres, qui ne regardent pas seulement à leurs propres intérêts. Gédéon était ce type de leader-là. Troisième vérité, c'est l'importance de la foi et de la persévérance. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait que Dieu lui donnera la victoire. Dieu lui donnera le succès et il les confesse, il les proclame. Cela est basé sur ce que Dieu lui a donné comme vision et comme parole. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voyons en Gédéon un leader qui avait la foi. Il avait la foi que Dieu lui donnerait la victoire. Et il les confesse, il les proclame. Lorsqu'il a demandé du pain aux gens de Soukot et que ce dernier lui ait refusé, écoutez sa réponse. Verset 7. Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Tsalmouna, je broyerai votre chair avec les épines du désert et avec les charbons. Et après avoir demandé aussi le secours aux habitants de Penuel, ils ont refusé. Le verset 9 dit, et il dit aussi aux gens de Penuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Il était convaincu que dans ce combat-là, il était victorieux et qu'il allait revenir en paix. Vous voyez, c'est ça la foi. Comment veux-tu que tu puisses réussir pendant que toi-même tu es négatif? Tu dis, moi j'ai la malchance, moi je ne sais pas si ça va marcher. Non, je vais parler à quelqu'un qui te prépare à subir une intervention chirurgicale. Il ne faut pas que tu sois peuré au point de dire, je ne sais pas si ça va marcher. Sois convaincu que ton opération va marcher. Ton accouchement, même si on t'a dit que tu vas accoucher par césarienne, ça va marcher, ça réussira et tu vas accoucher un beau bébé. Sois convaincu, commence déjà à louer le Seigneur parce que tout est entre les mains du Seigneur. Et lorsque le Seigneur va intervenir, tu vas lui donner une offrande pour le glorifier. Est-ce que tu comprends? C'est ça la foi. Gédéon t'est convaincu, je reviendrai en paix. Toi aussi tu reviendras en paix, tu reviendras en bonne santé. N'aie pas peur. Et c'est pourquoi il a persévéré. Et nous voyons qu'effectivement, il a eu la victoire sur les deux rois, Zébach et Tsalmouna, qu'il a tué. Et c'était conforme à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, tu battras Madian comme un seul homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Tu coulerais, il n'a pas dit que pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, il n'a pas dit. Gloire à notre Dieu, parce que il est le Dieu qui nous donne la victoire. Élevons ensemble nos voix pour bénir ce Dieu de victoire. Le Dieu des victoires. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs de remporter la victoire devant tous nos adversaires. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu, qui est aussi le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Ta bonté dure à toujours et ta fidélité de génération en génération. Oui, tu es le Dieu qui nous aide à régler nos différends. Tu es celui qui nous conduit dans ta grâce et dans ta miséricorde. Oh, sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui connaît nos besoins et qui pourvoit également à tous nos besoins. Nous te glorifions. Pour cela, nous te magnifions. Oh, notre Dieu, toi notre salut et notre victoire. Merci, Seigneur. Toi, le Dieu qui nous donne la foi pour remporter la victoire. Tu es celui qui nous conduit de victoire en victoire pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Juges, chapitre 8, versets 1 à 21. Nous venons de voir dans ce passage que les querelles peuvent exister entre les hommes, entre les couples, entre les gens d'une même famille. Mais nous devons savoir comment gérer les querelles, comment apaiser la colère. Prions pour tous ceux qui sont en palabre. Il y a des familles qui sont en palabre. Il y a des couples qui sont en palabre. Il y a des églises même qui sont en palabre. Prions pour que Dieu donne la sagesse, surtout aux leaders, de savoir comment régler ces querelles-là. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel. Toi qui règnes sur toutes choses. Toi qui es revêtu de majesté. Toi qui tiens le monde dans tes mains. toi dont le trône est établi depuis les temps anciens, toi qui existes de toute éternité. Nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu interviennes dans la vie des couples, dans la vie des communautés dans lesquelles il y a des problèmes. Régler les problèmes au sein des différentes communautés afin que ton nom soit toujours glorifié. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tous ceux qui sont en parable reçoivent ta visitation. Interviens dans des foyers à problème afin de ramener la paix. Accorde la sagesse aux dirigeants des différentes communautés afin que les différents puissent être réglés dans cette sagesse à la gloire de ton nom. Accorde la sagesse aux dirigeants politiques. Accorde la sagesse au Père éternel, à tous ceux qui ont une influence au sein de nos différentes communautés, afin qu'ils puissent régler des problèmes avec ta sagesse. Que ton nom soit béni. Nous prions au Père éternel contre toute utilisation de Satan pour détourner des personnes des voies de l'éternel, des personnes qui rencontrent des difficultés. Merci Père éternel pour la grâce que tu nous accordes, pour la sagesse que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir également que le leader doit être sensible aux besoins de ceux qui sont autour de lui. Gédéon était sensible quand il a vu les 300 hommes qui étaient fatigués. Ils avaient besoin de la nourriture. Ils n'avaient pas à manger. Il est parti pour chercher à manger aux hommes de Sukkot, aux hommes de Péniel. Prions le Seigneur pour nos leaders politiques, nos leaders religieux, nos leaders même au niveau de la famille, afin qu'ils se préoccupent du bien de la population, de ceux qu'ils dirigent. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Bénissons notre Dieu, notre Père. Merci Père parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Il a été pauvre, il avait une seule tunique, il a dormi avec son peuple, il était dans son peuple. Il se préoccupait du bien-être du peuple, sur le plan spirituel, matériel, social. Mais ce matin, nous voulons te prier pour nos leaders, les pères de famille, les responsables des villages, des régions, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, nos chefs, nos leaders politiques. Seigneur, donne l'esprit qui permet à ces hommes-là de se préoccuper du bien-être, le social. Seigneur, est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils dorment dans les bonnes conditions? Est-ce qu'ils sont heureux? Notre Dieu, c'est à cela que nous sommes appelés, pas pour voler, pas pour dominer, pas pour être autoritariste, pour être méchant, pour diviser. Seigneur, que cet esprit soit ôté dans la vie de nos leaders. Donne-leur un esprit d'humilité, un esprit de crainte, de sagesse et de discernement. Ils ont besoin d'une grande vision pour le bien-être du peuple. Bénis-les. Soutiens-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de la foi. Gédéon était un homme de foi. Il était convaincu que Dieu lui donnera la victoire. Il était convaincu qu'il reviendra en paix. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent des moments de preuve et qui commencent à chanceler, qui commencent à manquer de foi, qui sont abattus. Prions pour que le Seigneur fortifie leur foi. Et toi-même, si tu te sens que tu es abattu, tu commences à chanceler. Que Dieu fortifie ta foi afin que tu sois convaincu et que tu proclames comme Gédéon que le Seigneur va te guérir, que le Seigneur te donnera le succès, que le Seigneur va t'ouvrir les portes du mariage. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour tes œuvres grandioses. Merci parce que la Bible dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Merci parce que tu nous as prescrit tes ordonnances. Merci parce que tes actions sont réglées, établies. Tes pensées nous sont accordés par ta parole et nous devons nous conformer. Nous ne devons point y ajouter. Nous devons obéir, nous devons pratiquer. Merci parce que ceux que tu conduis sont toujours des héros, gagnent, triomphent, sont plus que vainqueurs. Et c'est ce que tu as fait avec Gédéon. Tu lui as donné du succès, tu lui as donné de posséder des territoires. Tu lui as donné de recevoir, de s'accaparer de ce que son peuple a perdu. Tu as fait de Gédéon un leader, un chef, un guerrier que tu as élevé. Père, nous prions que tu nous donnes cet esprit, que tu nous aides à être des chefs, des leaders, à être des hommes consciencieux qui parlent, qui marchent selon ta parole, qui vivent et qui pratiquent ta parole. Aujourd'hui encore, merci de libérer ton esprit, oui, de Gédéon sur nous, et que la maladie soit brisée, et que la faiblesse, les défaites, les pensées impures, les pensées de non-accomplissement soient effacées dans le sang de Jésus-Christ. Bénis quelqu'un, visite quelqu'un, ouvre des portes fermées, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que ce dimanche 5 juin, nous aurons notre rencontre de couple dans le cadre de bonheur conjugal à partir de 17h. Ce sera au CPE, centre de publication évangélique à Cocody, Cité des Arts, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Thème, la colère, ses causes, ses manifestations et ses conséquences dans la vie du couple et de la famille. Venez, car le Seigneur va vous parler. Et va vous aider à savoir comment maîtriser la colère. L'entrée est libre. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.